Yeah. C'est des pros, ce que les miens distillent. Je veux une grosse prod, je veux un petit stick. Je manie les mots, tellement c'est propre, je pourrais être prof de linguistique. Pas de Louis Vuitton ni d'Armanière, Max 90 au pied. Tu me croyais morte, demande à Mani, il me reste des prods à disloquer. Au micro, je t'ai dit, je fracasse. Je suis déterre, le beat, je shoot. Merde, c'est moi ou Lady Gaga. À la dégaine de Beetlejuice, les soucis me rongent, la fume me kill. Je suis tout mec, pas peu donnant. Pour les cacher, j'accepte que du liquide ou bien de la bedolant. Vas-y, viens dans l'oreille, crois pas que j'amasse des housses comme les Grimaldi. Je fais de la zik intemporelle comme Amadeus ou Vivaldi. Vite va le dire à ses acteurs, le galérien est de retour. Et préviens les détracteurs car j'ai rien et je veux tout. Génération un peu du père qui fume des bêtes, aime trop se marrer. Les caricatures ça choque personne sauf quand c'est le père de Stromae. Faut pas charrier, c'est les mêmes qui diront comment aller tout est clean. J'suis pas Charlie frérot, j'suis Adama, j'suis Malik ou c'est qu'une misère insensée. Quand les chefs d'état détournent des tas de mallettes, crois-tu vraiment qu'un seul français soit vraiment pour l'état d'alerte? Va pas leur demander des comptes même si on les défère sur Kilmi. Plus rien sur le 49-3, les médias préfèrent Burkini. J'ai l'éloquence d'un Lucini, mais marre de voir mes gars vriller. Ça y est, l'épreuve du temps arrive, plus que 2-3 textes à trier. J'suis comme Musclé, si la vérité, on ne me laisse pas crier. Je paye pas d'impôts, mais moi aussi j'ai fini par m'expatrier. Car je vois le peuple en patrie faible et sans pouvoir de rébellion. Moi dans cette jungle, je suis prêt à me sacrifier pour voir au remélion. T'auras beau essayer, t'auras ni ma plume ni mon passé. Mec, à peine une minute que je rappe, mais déjà plus d'immots placés. Ouais, des rimes, j'en ai plein. Le micro, je déforme des kicks, c'est lourd, allez qu'il porte plainte. J'emmerde haut et fort, Eric Zemmour. Pas ouais, tu vas hocher la tête, l'instru, je l'achève. Je comme cet enfoiré de Bart Simpson. Face au chef, oui, comme des rimes à la chaîne qui gonne. Quand Dieu de cours impressionniste, pas moi, je décris le commun des mortels. Comme un impressionniste, toujours au bon endroit. Je dédicace mes récits à mes jeunes loups. Mais merde, je vais retourner à Pôle emploi si jamais je me loupe. Vu la sorelle sans verser, je peux pas dire que mon archive, j'ai plus de sang versé. Je suis venu renverser leur monarchie. L'homme séparé par des frontières, par des murs mitoyens immondes. Que ces connards le veuillent ou pas, on est tous citoyens du monde. Va falloir prendre ta part des fous, mec. Crois pas que les timides graillent, c'est la classique pour give me fight. J'ai nous-mêmes les petits mitrailles. C'est des pros que les miens distillent. Je veux une grosse prod, je veux un petit stick. Je manie les mots tellement c'est propre. Pour être prof de linguistique, j'essaie d'être innovant, prêt à craquer. Tu me crois en temps. T'as recrié, 18 novembre, j'aurai marqué d'une croix sur ton calendrier. Ah, c'est la classe. Money, money, money days.